Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive, votre rendez-vous avec l'actu locale. Et aujourd'hui, dans ce Mag, on reste tout près de chez nous, au cœur du centre-bourg de Mosne. Un commerce bien connu des habitants qui continue d'évoluer et de se réinventer. Vincent Ariola, gérant de l'épicerie du village qui nous accueille ce matin, a récemment décidé d'élargir son activité en ouvrant une friperie, toujours ici à Mosne. Un projet à la fois pratique, économique et plein de sens pour la vie locale. Vincent est donc là devant nous pour en parler. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors on te connaît surtout comme le gérant de l'épicerie du centre-bourg. Avant de nous parler de cette nouveauté, est-ce que tu peux nous rappeler comment est née l'épicerie, quelle place elle occupe dans la vie du village ? Elle est née suite à un projet personnel où je cherchais à reprendre une affaire. Et ensuite, c'était l'histoire d'une rencontre avec Christophe Villemain, le maire. Ça a matché tout de suite et j'ai trouvé ça sympa de reprendre une épicerie de village. C'était un vrai challenge d'une part et puis une vraie volonté aussi de la part du maire de pouvoir offrir aux habitants un commerce de proximité dans lequel ils allaient retrouver tout ce qu'on a besoin au quotidien. Dans les choses qui te caractérisent, toi Vincent, en tant qu'épicier local, c'est le côté anti-gaspi. C'est vraiment quelque chose que tu mets vachement en avant, notamment sur les réseaux. Oui, tout à fait, ouais, l'anti-gaspi c'est important. Alors, je ne vais pas faire un cours d'écologie, mais bon, ça permet quand même de préserver un petit peu la planète, entre guillemets, de ne pas jeter bêtement, parce qu'aujourd'hui la nourriture ça coûte cher, parce que c'est important, parce qu'on a tous un banquier, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend dans quelle position on est. Et on a tous un portefeuille et un budget. Donc l'idée de l'anti-gaspi, c'est d'avoir des produits de qualité aujourd'hui à des prix, entre guillemets, défiant toute concurrence, puisqu'on est parfois en dessous de moins 50% par rapport à de la grande distribution sur des commerces qui vont être, sans citer de nom, mais tant pis, Leclerc ou Intermarché, où des fois j'arrive à être moins cher qu'eux. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin et de te lancer dans une friperie en complément de ce que tu faisais déjà ? Je sais pas, le fait de pas être normal peut-être. Non, je plaisante. Non, c'est ça, c'est d'avoir une idée à un moment de développement, mais parce que bah aussi il faut pas se le cacher, hein, l'épicerie de village pour en vivre, ça peut être parfois compliqué quand même. Faut avoir de nouvelles idées et puis lors d'un déjeuner aussi avec Christophe où j'ai souvent l'habitude de lui demander conseil parce que bah voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans le domaine des affaires connaît plein de choses, il m'a proposé cette idée car il connaissait quelqu'un qui le faisait. Moi j'avais ça aussi dans un coin de ma tête. Donc allez, à deux cerveaux, on lance le projet. Et puis bah, pourquoi pas, après j'ai foncé. Je me pose jamais trop de questions moi en fait. Hein. J'ai une idée, j'y vais, et puis on verra bien, et puis Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Hein. Et on essaye. Hein. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ta friperie concrètement ? Il y a des vêtements, pour qui, à quel prix, dans quel esprit ? Enfin voilà, explique-nous un petit peu ce projet de cette friperie. Alors les vêtements vont s'adresser à tout public, femmes, hommes, enfants, petits, grands, gros, moyens, maigres, voilà. Aujourd'hui il n'y a pas de trame dans le sens où moi je rachète des lots, après dans un lot on y trouve de tout, hein, en fait. Hein. On va trouver aussi des chaussures, des sacs à main. L'idée aussi par la suite ça va être de développer la maroquinerie, faire un peu de bijoux, pourquoi pas. C'est aussi au fil du temps, hein, vous savez ce que c'est quand vous rachetez des lots, on ne sait jamais ce qu'on y trouve, donc c'est ça quoi. Tu parles de rachat de lots, c'est-à-dire que les auditeurs qui nous écoutent et qui ont des vêtements de qualité à déposer, ils peuvent quand même venir te déposer des vêtements ? Voilà, c'est ça tout à fait. Alors, toute proportion gardée, je ne suis pas Vinted et je ne suis pas le bon coin. Donc aujourd'hui, je vends pas cher, donc forcément, j'achète pas cher. Il ne faut pas non plus que les gens s'attendent à me vendre un pantalon, le prix qu'ils peuvent le vendre sur Vinted, hein, je suis tout à fait transparent avec ça. Moi, dans l'idée, c'est un petit peu comme l'anti-gaspi, on fait du pas cher, on fait de la récup sur de la nourriture, on fait de la récup surtout sur les vêtements, quoi. C'est pouvoir habiller tout le monde avec des vêtements de qualité, mais toujours dans cet esprit pas cher. Donc cette friperie, elle existe maintenant depuis une quinzaine de jours à peu près. Comment tu sens l'accueil des habitants monnois et des clients vis-à-vis de ce nouveau service ? Ils sont tous ravis, ils ont trouvé le projet plutôt sympa. Alors j'avais anticipé avant, en posant la question, tout le monde me disait que l'idée était plutôt pas mal. Les habitants jouent le jeu, un petit peu comme ils jouent le jeu sur l'épicerie. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais tout le monde me dit que l'idée est bonne. Ça m'encourage aussi forcément. J'ai la chance d'avoir une super clientèle moi sur Mosne, qui m'accompagne, qui me suit, qui est toujours en train de m'aider au quotidien. Mais c'est là le bonjour. Et voilà, c'est la vie d'une épicerie avec des clients qui rentrent et qui... Tout est parfaitement normal. Est-ce que tu sens qu'il y avait un vrai besoin, une attente justement quand on a discuté avec les habitants, avec tes clients et ils se sont dit oui, non seulement c'est une bonne idée, mais c'est carrément un besoin à combler. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, une attente, un besoin, c'est toujours compliqué à cerner. C'est un peu comme tout. Il suffit de créer le besoin. De toute façon, moi, le seul risque que je prends aujourd'hui, c'est que ça fonctionne et que les gens soient contents. Le seul risque qu'on prend quand on lance un nouveau projet, c'est de réussir, en fait. Donc, partant de ce principe-là, on y va. Maintenant, oui, j'ai envie de dire que c'est attendu, c'est compliqué. C'est attendu aujourd'hui. Je pense pas que les gens se lèvent le matin en disant tiens, c'est dommage, j'ai pas une friperie à Mosne. Vous voyez ce que je veux dire ? Il suffit que ce soit là pour que ça crée de l'engouement et que les gens aient envie de venir, en fait. Non, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Et alors Vincent, est-ce qu'il y a encore d'autres projets qui font leur chemin dans ta tête, des projets de développement encore? Ouais, il y en a plein, parfois trop. Alors dire lesquels, voilà, ils sont tous rangés dans des tiroirs, hein, et puis au fur et à mesure, je vais les ouvrir. Bon, après, sachant que je ne peux pas non plus pousser les murs, mais il y a encore plein d'idées, ouais, y a plein de choses à faire, je pense, aujourd'hui, pour développer le commerce sur Mône. Et on précise à tous les auditeurs durs d'oreille que c'est bien une friperie, oui. Et non pas une friterie. Oui, non, c'est bien une friperie, hein. De toute façon, ils vont le voir à l'odeur, je pense, mais on est bien d'accord pour dire friperie, ouais. Eh bien, merci beaucoup Vincent de nous avoir accueillis ce matin dans ton épicerie Friperie, qui du coup reste un commerce de proximité qui continue de faire vivre le centre-bourg de Mône. Tu nous rappelles tes horaires d'ouverture, quand est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors en période, on va dire, hivernale, on va dire 7h30, midi et demi et 16h, 19h, 19h30 après. Voilà, je suis là, à partir du moment où il y a de la lumière, c'est que je suis là, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voyez un petit bonhomme qui est déambule, même si c'est fermé, n'hésitez pas à frapper à la porte. Ouvert donc du lundi au samedi et le dimanche de 7h30 jusqu'à midi. Et ensuite, en période d'été, l'amplitude est plus importante. Super, merci beaucoup Vincent. On rappelle que l'épicerie et la friperie sont donc ouvertes au cœur du village de Mône et que vous pouvez venir pousser la porte, que ce soit pour faire une course ou pour chiner une bonne affaire. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup à vous. Si on devait se quitter en musique, tu choisirais quel morceau? Dire Straits, Money for Nothing. Je suis désolé pour l'accent, mais voilà. Eh ben c'est parti sur Radioactive, Money for Nothing, le choix de Vincent Ariola, l'épicier monois qui vous attend dans son épicerie friperie. You play the guitar on the MTV. that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.